place à Guillermo Guy. Ça va, beaucoup d'ambiance. La folie. Ça va, les amigos? Ouais. Je vous ai déjà parlé ici d'Elon Musk, non? Ouais. Le mec à qui j'ai lancé SpaceX, Tesla et tout ça. Non, ouais. Ouais. Ah, c'est toi, la Tesla? Ouais, c'est moi qui donne les idées. Elon, il s'occupe plus de l'opérationnel au state. C'est un exécutant, tu vois. L'autre fois, je lui fais, on va sur Mars. Il me dit, t'es sûr? Ah, pose pas de questions. Parfois, Elon, j'aime pas dire du mal, chouette gars et tout, mais il faut le canaliser. Eh bien, fin août, il m'appelle, il me fait, Ernesto, fils d'un poulpe et d'une cigarette électronique. Il me dit, cette fois-ci, je crois que j'ai une bonne idée. Je fais, ça m'étonnerait, vas-y, dis toujours. Il me dit, ouais, je travaille sur un projet d'implant cérébral. L'idée, c'est de créer une symbiose entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, Elon, je suis à Biarritz. Là, en 5 minutes, j'ai mon cours de surf. 60€ la séance. J'arrive à peine à monter sur les mousses. Maintenant, tu me dis, c'est pas le moment. Je raccroche. Et ouais, je le connais. Si je lui dis, ça m'intéresse et tout, derrière, il prend la confiance et tout, il envoie des bagnoles dans l'espace. Sauf que là, récemment, j'ouvre le Figaro et qu'est-ce que je lis? Qu'Éric Zemmour pose des bonnes questions. Non, pas cette fois-ci, bien essayé. Je lis. Non, j'ai lu fin août que Elon, il a fait la présentation publique de son projet d'implant cérébral, en fait. Voilà, Neuralink. T'as piqué l'idée. Sans m'en parler. Franchement, ouais. J'ai eu une tendresse. Ah, je me suis dit, allez, vole de tes propres ailes, petit rossignol. Vraiment. Et alors, je préfère prévenir tout le monde. Je vais pas pouvoir tenir toute la chronique avec ce gag. Je connais Elon Musk. Très bon gag, on a bien ri, très chouette, etc. Mais on est quand même payé par le contribuable. Donc, je vais me lancer dans un billet plus traditionnel à partir de maintenant, avec de véritables infos ponctuées de petites vannes. Exemple, l'implant cérébral en question mesure 23 mm de large et 8 mm d'épaisseur, en hommage à la teub de Daniel Morin. Voilà, donc vanne, pas forcément grande vanne. Qui a dit grande vanne? Quelqu'un a dit grande vanne? Non, personne. Ben voilà, mais récompense par le rire. Alors, donc fin août, Elon Musk, il a dévoilé les avancées de son projet, notamment en présentant Gertrude, une truie qui vivait avec cet implant dans le cerveau depuis 2 mois. Et c'est incroyable parce que cette truie, ça l'a transformée de ouf. Là, elle fait des sons pour les Daft Punk et tout. Elle a un projet d'émission avec Cyril Lignac. Elle s'habille plus que chez Fendi et tout. Tu dis putain, tu la reconnais plus. Gertrude, elle est rentrée à la porcherie. Elle a fait ses valises. Elle fait, ah, c'est pas le quartier qui me quitte. Et en fait, après, elle a dû rester et tout parce que c'est une truie et soi-disant le monde du rap est pas prêt et tout. Mais l'histoire, elle est folle parce que grâce à cet implant, on pouvait déjà anticiper les mouvements que la truie allait faire sur un tapis roulant et tout. C'est que le début. Et à terme, au-delà des maladies que ça peut aider et tout, cet implant, il pourrait booster l'activité des neurones. Humain quoi, ce serait pas top ça Nagui? Allez, non. Et c'est même pas que pour vous, je veux dire, non. Mais vraiment. Salut. Parce que dans le bureau, vous me disiez l'homme augmenté, c'est vraiment mon rêve parce que je vous cite, les femmes commencent à prendre un peu de place avec leur histoire de droit là ou je sais pas quoi, donc vite qu'on augmente l'homme, et ben ça avec cet implant connecté, vous seriez plus prudent sur vos propos, surtout devant témoins. Mais je suis quand même chaud qu'on augmente mes capacités cognitives parce que moi j'ai une mémoire de Nokia 3310. Chaque fois que je vais me lancer dans une citation, je fais oui, mais ça je l'ai lu, il semble que c'est quand même Georges Bataille qui a dit. Quand j'ai fini ma phrase, les gens ils sont dans leur Uber. Vraiment, c'est quoi, j'en ai marre. Je demande pas que mon cerveau soit connecté à Google, je veux juste qu'il soit connecté aux livres que j'ai vraiment lus dans ma vie. C'est pas normal que quand les gens voient que j'ai une bibliothèque à la maison, ça les étonne à ce point, quoi. Ils sont là, ah bon, tu lis, toi? Je crois que chez moi, ils s'attendent à voir la fistinière, je crois, avec 64 formes différentes de crochets, sérieux. Si j'avais accès à ce que j'ai lu, au moins je pourrais gérer les gens qui ont des théories sur tout et n'importe quoi, qui te les sortent avec un espèce d'assurance qui donne envie de crever dans un bloc de Cantal. C'est ça qu'il me faudrait. Un implant qui me donne accès à mon propre savoir. Putain, il faut que je rappelle Elon. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillaume Guy.